géographie. Ah le chaton, le chaton, tonton. Ah le vilain petit chaton. Ah le chaton, le chaton, tonton. J'ai six chatons dans mon catap qui miaulent sous la table. Celui-là saute sur le tableau, dessine la tête à Toto. Ah le chaton, tonton. Ah le vilain petit chaton. Ah le chaton, tonton. Ah le vilain petit chaton. J'ai cinq chatons dans mon catap qui miaulent sous la table. Le chaton, tonton. Ah le vilain petit chaton. Ah le chaton, tonton. Ah le vilain petit chaton. J'ai quatre chatons dans mon cartable qui miaulent sous la table. J'ai quatre chatons dans mon cartable qui miaulent sous la table. Celui-là attrape mon goûter et il n'en fait qu'une bouchée. Ah le chaton, tonton. Ah le vilain petit chaton. Ah le chaton, tonton. Chaton. J'ai trois chatons dans mon cartable qui miaulent de sous la table. J'ai trois chatons dans mon cartable qui miaulent de sous la table. Celui-là fait le cours de maths, 3 plus 3 égale 4. Ah le chaton, tonton. Ah le vilain petit chaton. Ah le chaton, tonton. Ah le vilain petit chaton. J'ai deux chatons dans mon cartable qui miaulent de sous la table. J'ai deux chatons dans mon cartable. Le chaton, tonton. Ah, le vilain petit chaton. Ah, le chaton, tonton. Ah, le vilain petit chaton. J'ai un chaton dans mon cartable qui miaule de sous la table. J'ai un chaton dans mon cartable qui miaule de sous la table. Celui-là, c'est le plus mignon. Je l'emmène à la maison. Ah, le chaton, tonton. Ah, le mignon petit chaton. Ah, le chaton, tonton. Ah, le mignon petit chaton.